J'ai un guest croise honorine. Oh bonjour, comment ça va? Est-ce que vous pouvez m'aider avec des skis? Ah oui, on a une bien sûr. Pourquoi est-ce que vous portez des skis? Oh, mon frère, il est dans les Jeux Olympiques et il est dans... Ah vraiment? Oui, il était dans un écrasement de ski avec un arbre et il a cassé ses skis. Est-ce qu'il a été blessé? Oh non, il est dans un bon état. Oui, mais... puis il a de la chance. Oui, je sais. Jacqueline Croise Henry. Ah bonjour Jacqueline. Oh comment est-ce que vous pouvez m'aider avec des provisions? Ah oui bien sûr. J'ai beaucoup, c'est pour mes deux filles, c'est leur anniversaire. Ah oui, est-ce que ce sont des jumelles? Ah oui, et ils ont 15 ans aujourd'hui. 15? Oui. Oh. Bien. Oui, j'ai Et qu'est-ce que c'est dans les sacs? Oh, beaucoup de pizza et de coca.